Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. Ces mots n'ouvrent pas une aventure de Sherlock Holmes, mais marquent les débuts d'une légende, celle de l'invention du téléphone. Si plus d'un siècle après cet échange entre Alexander Graham Bell et Thomas Watson, téléphoner est devenu un acte banal, il aura fallu de nombreuses innovations pour que nos voix franchissent d'abord quelques kilomètres, puis dépassent quasi instantanément les continents et les océans. Comment le monde s'est-il organisé autour de ce réseau tentaculaire? Ne raccrochez pas, nos invités vont vous répondre. Téléphone, parler après le bip, c'est le programme en réseau qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de l'invention du téléphone, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Susan Devigne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargée de projet à la Cité des Télécoms et nous sommes également en ligne avec Pascal Griset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'innovation et professeur à Sorbonne Université. Alors, je l'évoquais dans l'introduction de cette émission, nous allons évoquer tout au long de cette heure l'invention du téléphone, mais avant de parler du téléphone, on peut peut-être faire un rappel rapide, Pascal Griset, il existait déjà un moyen de communication à distance, avant le téléphone, c'était le télégraphe. Comment ça fonctionnait le télégraphe, Pascal Griset ? Alors oui, en effet, le télégraphe commence sous la Révolution française, c'est le télégraphe optique de Chappe, qu'on oublie parfois, mais c'est le premier réseau de transmission très rapide de l'information en Europe, et puis à partir de la fin des années 1830, inventé par des Anglais et non par Morse. Morse a inventé le code Morse, mais n'a pas inventé le télégraphe électrique. Donc à partir de la fin des années 1830, en parallèle avec le développement des chemins de fer, on développe le télégraphe électrique qui permet de transmettre l'information quasi instantanément à plusieurs centaines de kilomètres sur les terres, et puis qui, à partir des années 1850-1860, avec le développement des câbles sous-marins, se développera sur la planète entière, en fait. Pascal Griset, est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'état du réseau télégraphique avant même d'évoquer le téléphone? Est-ce que c'était une invention qui s'était répandue dans le monde entier et à quels usages elle était réservée? Alors, le télégraphe se répand tout d'abord en Europe et aux États-Unis. Les réseaux continentaux sont quasiment structurés. Alors ensuite, il y aura des liaisons secondaires, mais on peut dire que dès la fin des années 1870, avec des accords internationaux, c'est un grand effort de collaboration entre les différents pays. On peut communiquer. Et puis, on peut dire qu'à la fin du 19e siècle, les années 1890, à travers des réseaux qui irriguent les grands empires coloniaux, mais qui également vont faire la liaison entre l'Europe et les États-Unis, on peut communiquer quasiment instantanément, ou en tout cas très rapidement, sur les principaux points de la planète, pour des questions qui sont d'abord des questions diplomatiques, ce sont les dépêches diplomatiques, ce sont les questions financières, c'est-à-dire que les cours de bourse sont échangés très rapidement, donc on voit les niveaux de bourse s'harmoniser, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, il y a ce qu'on oublie parfois un petit peu, c'est la presse écrite qui va profiter considérablement du télégraphe électrique, puisque les nouvelles vont être transmises par les grandes agences de presse, ça va être Havas, ça va être Wolf, ça va être Reuters. Donc il y a une première unification de l'information qui est pratiquement établie avant la Première Guerre mondiale, même fin du 19e, c'est déjà tout à fait stabilisé. Mais il manque un élément essentiel à ces télécommunications, c'est la voix. Susan Devigne, je crois que l'idée du téléphone naît dans l'esprit d'Alexander Graham Bell à partir d'un constat fait avec le télégraphe, un constat un petit peu accidentel. Alors, avant d'évoquer les débats qu'il y a sur la genèse du téléphone, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment le téléphone naît du télégraphe finalement ? Oui, déjà on peut déjà revenir aussi sur les un petit peu avant, puisque en 1667, il y avait le savant anglais Robert Hooke qui réussit une conversation sur 200 mètres avec un téléphone à ficelle. Ça, c'est on peut l'évoquer parce que ça fait penser à un jeu qu'on peut faire pour les enfants avec deux pots de yaourt reliés à un fil, et en fait les vibrations de la voix passent sur ce fil. Et ensuite, à partir de 1854, il y a un Français, Charles Boursel, qui lui est agent de l'administration des télégraphes, qui va poser le principe du téléphone, même si le mot téléphone arrivera un petit peu plus tard. Et il publie un article dans l'Illustration du 26 août 1854 sous le titre « Transmission électrique de la parole ». Donc déjà là, on a déjà ce principe. Mmh. Et puis ensuite, c'est Philippe Reis, donc un professeur allemand qui en 1861 va vraiment prononcer le mot téléphone. Il travaille autour d'un dispositif expérimental qui permet de transmettre la voix avec une bonne qualité, mais quand même une assez faible intensité. Et puis ensuite, on va avoir différents inventeurs, différentes personnes qui expérimentent des dispositifs autour de la voix. Et c'est vrai que là, il y a un grand débat encore sur qui est réellement l'inventeur du téléphone. Mais en tout cas, c'est vrai que vous parliez de Graham Bell. Et c'est Graham Bell qui a déposé le brevet de ce téléphone. Mais en fait, on dit que ça vient, la première date qu'on retient dans l'histoire, c'est le 2 juin 1875 pour l'histoire de Bell. Il travaillait avec son assistant, Thomas Watson, à l'amélioration du télégraphe. Et il se trouve que Watson boit du café et par mégarde, il déplace une vis de réglage du télégraphe. Et dans la pièce voisine, Bell entend le bruit de la tasse qui tombe à travers son appareil. Et donc, pendant les mois suivants, les deux hommes vont travailler sur cette expérience. Et ensuite, le 14 février 1876, Graham Bell dépose son brevet à midi. Voilà. Deux heures avant un autre personnage, Elisha Gray. Un certain Elisha Gray. Alors, parlez-nous peut-être un petit peu d'Elisha Gray et expliquez-nous un petit peu qui il était. Après, on reviendra bien sûr à cette figure qui était Graham Bell. Oui, alors en fait, Graham Bell, je parlais aussi d'Elisha Gray, mais en fait, il y a également un autre personnage, Antonio Meucci. Mm-hmm. Donc en fait, beaucoup de personnes travaillaient sur ces inventions autour de l'amélioration de la transmission de la voix. Et en fait, après, on peut dire que c'est un peu une question de temps et une question d'argent, puisqu'il faut être le premier à déposer le brevet. Et il faut avoir aussi suffisamment d'argent pour déposer un brevet permanent, entre guillemets, si j'ose dire. Pascal Griset, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles Alexander Graham Bell s'intéressait à l'invention du téléphone? Je crois qu'il travaillait notamment avec des malentendants. Expliquez-nous un petit peu qui était ce personnage. Oui, alors en effet, Graham Bell, qui était né en Écosse, il était un Écossais de naissance et ensuite Canadien. Il n'a été naturalisé américain des États-Unis qu'au milieu des années 1880. Par des concours de circonstances de la vie, son épouse notamment travaillait dans un institut pour les sourds et malentendants, et c'est dans cette direction d'étude du son, d'étude de la parole. C'était pas un ingénieur à la base de formation, hein, qu'il s'est intéressé à ces questions. Et donc, du coup, pardon, excusez-moi, il n'a pas inventé le téléphone en imaginant donner naissance à une révolution dans les télécommunications. Non, c'est-à-dire que il travaillait vraiment sur ce domaine et on associe souvent sa découverte à une forme de hasard, mais les documents sur ces de laboratoire qu'il avait et qu'il notait scrupuleusement montre que depuis 1872-73, il explorait tout un champ de possibles pour transmettre le son, pour l'analyser. Enfin, c'est une époque où les connaissances scientifiques de base sont encore lacunaires et où les innovateurs, les techniciens cherchent un petit peu, j'allais dire, en exagérant à tâtons. C'est quelque chose de très empirique. Il va donc chercher dans de multiples directions, mais avec la volonté de construire quelque chose. Et on souligne le fait que Graham Bell a finalement emporté le procès qui l'opposait à Elisha Gray. Ils ont en effet déposé tous les deux un brevet à quelques heures de différence, mais le fond n'est pas tellement de savoir qui a été le premier à le déposer. Le droit américain à cette époque, ça n'a été réformé que par Barack Obama très, très récemment, pour de multiples raisons d'ailleurs, n'était pas le first to file, c'est-à-dire le premier à déposer le brevet, mais the first to invent. Mm-hmm. C'est pour cela que les chercheurs américains gardent des carnets d'expérience, des carnets de laboratoire extrêmement sérieux, parce qu'ils vont les présenter ensuite lors du procès éventuel, hein, en conflit de propriété industrielle et intellectuelle. Et c'est grâce à cela que Graham Bell, alors dans des circonstances, il faut le dire, un petit peu obscures, la manière dont il a échangé même avec Elisha Gray, dont Elisha Gray lui aurait transmis certaines informations à certains moments, montre bien que, bon, faisons une sorte de consensus, c'est une invention et collective, mais celui qui l'a valorisé, c'est indéniablement Graham Bell. Susan Davigne, est-ce qu'on pourrait avoir une idée d'à quoi ressemblait ce tout premier téléphone ? Alors c'est un petit téléphone en bois de 15 cm de long environ et de 7 ou 8 cm de diamètre pour le chapeau. Et l'ensemble a la forme d'un champignon. Et l'embout sert à la fois pour écouter et pour parler. Donc on plaçait l'embout soit devant la bouche, soit devant l'oreille, le même embout à tour de rôle. Et comment ça fonctionnait ? Eh bien, en fait, à l'intérieur, il y a une membrane de fer qui est placée contre une tige métallique aimantée et entourée d'un fil électrique. Et quand on parle dans l'embout, on fait vibrer cette membrane qui active l'aimant. Et en fait, c'est ça qui produit des impulsions électriques dans le fil. Et donc, à l'autre bout du fil, le téléphone, donc côté réception, retransforme les vibrations électriques en vibrations sonores jusqu'à l'oreille. Et on rappelle que là, pour l'instant, pour ces toutes premières communications, il fallait nécessairement que la personne soit réellement au bout du fil. Oui, tout à fait. Ça, on n'avait pas encore, bien sûr, de répondeur. Et tout ça arrive avec les améliorations techniques beaucoup plus tard. À quelle distance on pouvait communiquer alors, à partir avec ces toutes premières télécommunications téléphoniques ? Les toutes premières communications téléphoniques, c'est bien sûr tout d'abord, notamment lors des expérimentations, c'est d'un bureau à un autre. Ensuite, ça va être d'un bâtiment à un autre, puis d'une ville à une autre. Mais là, pour qu'ensuite ça soit beaucoup plus étendu, il va falloir mettre en place un système de réseau avec des centraux téléphoniques qui permettront de mettre en relation les abonnés avec des distances plus ou moins longues. Et on va y venir, bien sûr, à ces centraux téléphoniques. Mais il y avait un problème de taille de fil, je crois, pour relier par exemple des villes entre elles. Plus on était loin et plus il fallait que le diamètre du fil soit large, c'est ça ? Susan Davigne. Oui. Ouais. C'était en effet le diamètre du fil de cuivre permettait d'étendre la portée du réseau. Cela veut dire que pour augmenter la portée du réseau, il fallait utiliser un métal qui était extrêmement coûteux. Et donc, il y avait des limites technico-financières qui faisaient que jusque dans les années 1890, les réseaux sont restés des réseaux urbains. C'était une grande ville. Ce n'est qu'à partir des années 1900, avec une innovation réalisée par un physicien qui s'appelait Pupin, on va pouvoir rajouter sur les lignes qui existaient déjà un système électrique, et il n'y a pas encore d'électronique, qui va permettre de doper, en quelque sorte, d'améliorer la transmission de ces fils de cuivre et de gagner quelques centaines, voire un peu plus de kilomètres, et de développer des liaisons interurbaines sur la côte est des États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis. Mais ce ne sera qu'à partir de 1915, avec la première liaison entre New York et San Francisco, avec l'utilisation de la lampe triode, le premier composant électronique, avant le transistor, avant tout ce que nous connaissons. Les premiers composants électroniques apparaissent à partir des années 1900 avec Lee de Forest. Et là, on va pouvoir, avec des amplificateurs, c'est la première fois qu'on peut amplifier le son. On en fera ensuite des haut-parleurs, des tas de choses. Mais là, la compagnie de téléphone héritière de Graham Bell, AT&T, va utiliser ces composants électroniques et on pourra téléphoner de New York à San Francisco. On est en pleine Première Guerre mondiale. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais ils vont réaliser cette première transcontinentale qui est symboliquement très importante pour eux. Et avant d'en arriver bien évidemment à ces questions de réseaux qui sont cruciales pour l'avènement du téléphone, j'aimerais, Pascal Rizet, que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les premières innovations, améliorations qui sont apportées à l'objet téléphone en lui-même. Je crois que, une nouvelle fois, Thomas Edison n'est pas très loin dans cette histoire. Alors, Thomas Edison est un personnage important et intéressant. Tout d'abord, il nous montre que les États-Unis sont capables de créer des héros. On a eu Steve Jobs récemment, Thomas Edison l'était. Thomas Edison n'était pas forcément quelqu'un de totalement recommandable. On sait qu'il envoyait certains de ses sbires pour voler des matériels dans des entrepôts de concurrents, etc., etc. Mais il a joué il est un peu le symbole de ces innovateurs américains capables d'associer science et marché. Il disait, mon talent, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Donc, il a été le supporter d'Elisha Gray. Il a d'abord essayé de soutenir Elisha Gray. Il a créé une entreprise pour développer le téléphone. Et puis, bon, le procès a donné raison à Graham Bell. Et puis, il s'est investi dans d'autres choses, notamment le gramophone. C'est lui qui est à l'origine de l'enregistrement du son. On en parlait la semaine dernière dans cette Voilà, donc d'une manière qui était pas du tout celle qu'on va utiliser finalement. Il pensait que ça permettrait au secrétaire de travailler, d'enregistrer les choses. Ensuite, la grande question, comme le disait Susan Devine, ça va être la question des centraux de commutation. Au tout début du téléphone, les toutes premières années, en schématisant, vous décrochez votre micro, vous entrez en contact avec une demoiselle du téléphone, avec une opératrice. C'était des femmes qui ont été plutôt sélectionnées. Au début, il y avait aussi des hommes, et puis la pente sociale a fait que ce sont plutôt des femmes qui semblaient avoir une meilleure relation avec les utilisateurs. Cette personne vous mettait en relation directement avec votre correspondant. Donc vous aviez à dire le nom de votre correspondant. Et puis un croque-mort, un entrepreneur de pompes funèbres qui s'appelait Stroger, un Américain, s'apercevant que lorsqu'il arrivait dans des familles où un décès avait eu lieu, son concurrent était déjà présent. Il s'aperçoit que la cousine ou je ne sais qui du concurrent était demoiselle du téléphone, informait la concurrence et il se dit c'est insupportable qu'il y ait une forme d'espionnage avant l'heure. On en parle beaucoup en ce moment, l'espionnage du téléphone, donc de la fuite d'informations. Et donc il se met en quête d'un système permettant de mettre automatiquement en connexion les deux interlocuteurs. Donc il va créer le téléphone automatique. Et donc, il va mécaniquement trouver aussi arriver à la conclusion qu'il faut un numéro de téléphone. Et à partir de ce moment-là, les téléphones, d'ailleurs, on le voit bien à la cité des télécoms où ils sont tous exposés. Vous voyez, les premiers téléphones, il n'y a pas de cadran. Et puis, à partir des années 1890, apparaît ce fameux cadran. Maintenant, on a oublié, on a d'autres choses. Cadran circulaire. Le cadran circulaire qui permet de composer le numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment un changement important. Parce que on n'a plus besoin d'une personne pour médiatiser la conversation. On va pouvoir appeler quelqu'un directement chez lui. Alors d'abord à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, et puis après il va y avoir l'interurbain et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais ces centraux de commutation font partie de ce deuxième grand domaine d'évolution technique du téléphone. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle la transmission, donc tout ce qui concerne ces câbles, ces fils, etc., dont on reparlera peut-être, ou les ondes. Et puis les centraux de commutation qui sont comme l'échangeur d'un autoroute. Si vous comparez le réseau téléphonique à un réseau autoroutier, vous avez les autoroutes, c'est les lignes, et puis vous avez les échangeurs qui permettent de répartir les communications, puis vous avez les péages aussi, bien évidemment. Susan Devine, si on soulève un petit peu le capot de ce téléphone à cadran circulaire, qu'est-ce qui fait que quand on fait tourner le cadran, on va pouvoir tomber sur la personne qu'on cherche à joindre? D'un point de vue technique, comment ça marche? Oui, alors ça nous permet en fait à l'époque, ça nous permet d'être mis en relation, mais il y a aussi la numérotation qui va évoluer en ce sens, c'est-à-dire que au départ on a peu d'abonnés au téléphone et donc on a on peut retrouver sur les annuaires un chiffre, deux chiffres, par exemple le 22 à Asnières, d'où le sketch très connu de Fernand Reynaud. Donc on avait cette numérotation qui va se mettre en place. Donc au départ, c'est vrai que les numéros sont très faciles à taper et puis à composer. Et puis ensuite, il va falloir perfectionner ce système parce que les numéros vont être de plus en plus longs. On va rajouter plus de numéros parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Ça me faisait penser aussi à une petite anecdote concernant le nombre d'appels, parce qu'on parlait des opératrices du téléphone. Et effectivement, bon, après 1925 notamment, il y a de plus en plus d'abonnés. Et donc, les opératrices recevaient un appel à peu près toutes les 10 secondes. Donc, c'était un travail assez contraignant. Assez contraignant, tout à fait. Et certaines souffraient d'insomnie, de migraines, de dépression nerveuse. Et quand on parlait de ces femmes qui faisaient ce métier, donc en France, on les appelait les demoiselles du téléphone, puisqu'elles n'étaient pas mariées. Hein, elles devaient obligatoirement être célibataires et elles perdaient leur emploi dès qu'elles étaient mariées, d'où ce surnom de demoiselles du téléphone. Ce qui d'ailleurs n'aurait pas été le cas. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, d'où le fait qu'il y a eu la femme du concurrent de Stroger qui pouvait dévier les communications qui lui étaient destinées. Mais voilà, en fait, c'était un métier très féminin, sur la fin des demoiselles du téléphone, eh bien, on avait quand même quelques anecdotes qu'on a pu retrouver où leur caractère était mis en avant comme étant vraiment des personnes pas forcément très sympathiques. D'autres étaient signalées comme étant indiscrètes et écoutaient les conversations aussi. Donc, au bout d'un certain temps, les demoiselles du téléphone ont quand même eu une terrible réputation, alors que dans les années 80, elles étaient quand même recrutées sur leur sérieux et sur leur bonne mœurs. Donc voilà, on a eu un changement petit à petit qui s'est fait, mais parce qu'il y avait une forte demande aussi au niveau des abonnés du téléphone. Mais Proust les appelait les ombrageuses prêtresses de l'invisible, ces demoiselles du téléphone, et je crois qu'il avait une petite dent contre elles quand elle disait justement « je vous écoute » alors que tout le monde était en pleine conversation. France Culture. Eureka, Antoine Beauchamp. Pascal Griset, on parlait tout à l'heure des premiers téléphones et des premiers usagers du téléphone. Est-ce que le téléphone a immédiatement eu un succès populaire ou bien est-ce que c'est une invention qui a mis du temps avant d'arriver dans les foyers ? Alors pour cela, il faut différencier selon les territoires, selon les sociétés. Le téléphone se développe à un rythme déjà soutenu aux États-Unis jusqu'en 1893. C'est la période pendant laquelle la compagnie créée par Graham Bell, hein, les Bell Telephones, qui deviendront AT&T, sont en situation de monopole. Ils s'appuient sur le brevet qu'ils détiennent et on ne peut pas les concurrencer. Et puis à partir du milieu des années 1890, vont se créer comme des champignons, hein, on emploie l'expression aux États-Unis à cette époque, des dizaines, des centaines de compagnies de téléphones qui peuvent produire des téléphones alors que le brevet n'est plus efficace. Et ça va être une sorte de capharnaüm de téléphones, mais qui va stimuler les usages. C'est-à-dire que le téléphone aux États-Unis va devenir quelque chose de quotidien, alors non pas dès la fin du 19e, mais plutôt qu'en Europe. Mmh. En Europe, il y a un premier phénomène qui est celui des monopoles publics. C'est-à-dire que dans différents pays européens, d'abord en Angleterre, puis en France, il va y avoir la création d'entreprises privées. Des entreprises privées qui vont s'appuyer sur les brevets de Bell. Et puis, alors plus ou moins rapidement, on ne va pas différencier, mais ces réseaux téléphoniques vont être nationalisés, vont devenir des monopoles de l'État. En Allemagne, c'est dès le début, il n'y a pas de compagnie privée de téléphone en Allemagne. Et donc, c'est un développement qui n'est pas fondé sur la demande du public, mais sur des investissements publics qui vont manquer, au point même que Millerand parlera du scandale du téléphone. Il y a un débat récurrent dès la fin du 19e siècle et en Grande-Bretagne également sur le manque de téléphone. Alors, un pays fait exception à cet égard en Europe, c'est la Suède. La Suède va conserver très longtemps une organisation mixte avec des services publics, soit municipaux, soit nationaux, des entreprises privées, dont Ericsson, qui connaîtra un grand développement international, et va donc connaître un taux d'équipement téléphonique qui sera le premier en Europe. Donc, en fonction de ce niveau d'équipement, eh bien, les usages se développent d'abord prioritairement pour les professionnels. Les professionnels, c'est-à-dire les professionnels qui ont besoin d'un lien direct avec le public. En revanche, si on prend une activité essentielle à cette époque, qui l'est toujours, d'ailleurs les chemins de fer, les compagnies de chemin de fer vont être très réticentes à utiliser le téléphone parce que le téléphone ne laisse pas de traces. Le télégraphe, lui, laisse des traces, des ordres qui sont transmis, mais la liaison phonique, la liaison par la voix, n'en laisse pas. Donc ça va être un développement sur ces sphères professionnelles, les avocats, les médecins, il va y avoir les prêtres également, etc. Et puis, il va y avoir, et ça c'était assez inattendu, un développement privé. Parfois d'ailleurs, on va s'en moquer un petit peu dans la presse, ce sont des femmes qui vont parler au téléphone, on dirait qu'elles bavardent. Elles sont très souvent représentées dans l'iconographie de l'avant-première guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'appropriation par la société du téléphone qui ne sera pas un usage sérieux, mais un usage récréatif. Il y a des usages auxquels on a pensé à cette époque et qui se développeront plus tard. C'est par exemple le théâtrophone. C'est-à-dire que d'abord à Prague, puis ensuite à Paris, on va développer un système d'abonnement à partir du téléphone pour écouter des pièces de théâtre à distance. Donc vous voyez que l'usage du téléphone est extrêmement... On se fait à tâtons et que les prédictions des ingénieurs sont bien souvent trompées ou en tout cas déviées par l'usage du public. Susan Deving, pour que le téléphone devienne un objet populaire, il faut étendre les réseaux. Quelles sont les contraintes techniques à dépasser pour que des télécommunications puissent s'établir déjà à l'échelle d'un continent ? Oui, il faut étendre ces liaisons et donc il faut aussi placer des câbles à travers les océans. Et donc ça, c'est pas une mince affaire non plus, puisque déjà il y avait eu des premiers câbles pour les câbles télégraphiques qui avaient été posés à travers l'océan Atlantique. À partir des années 1850, déjà pour le premier câble transmanche. Ça on parle du câble télégraphique et après pour le câble téléphonique, eh bien on va avoir à partir de 1956 le premier système de câble téléphonique transatlantique sous-marin. Alors je vous interromps juste un instant à cet égard, le premier câble télégraphique et non pas téléphonique transatlantique a été installé en 1858, donc 100 ans avant le premier câble téléphonique. Pourquoi il y a eu une telle latence et pourquoi on a mis autant de temps à installer un câble transatlantique téléphonique? Alors, il y avait des sociétés, c'était financé par des personnes assez fortunées. Et c'est vrai que c'était, au départ, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en ce développement de la technologie. Et donc, c'était plutôt des personnes qui étaient assez fortunées, qui se sont dit, tiens, il faut vraiment qu'on développe ce réseau et ce système. Donc, au départ, c'était plutôt des initiatives privées. Et le téléphone a mis plus de temps après à être pris au sérieux par l'administration. Pascal Griset, sur cette question que j'évoquais à l'instant de la technologie et de la technique à mettre en place pour établir des liaisons transatlantiques ou transcontinentales, quelles sont les principales contraintes qui ont été surmontées ? Alors, la principale contrainte, c'est l'atténuation du signal. Sur un câble télégraphique, vous transmettez un message qui est simple, c'est un code, c'est pas du Morse d'ailleurs, c'est un autre système qui permet de transmettre le signal au 19e siècle. Donc, on transmet très peu d'informations. Pour transmettre la voix, il faut transmettre à l'échelle de ce temps beaucoup d'informations et donc l'atténuation du signal n'est pas possible, n'est pas admissible sur une distance aussi longue que le transatlantique par exemple. Il faut donc amplifier Il faut donc qu'il y ait des amplificateurs sous-marins. Et là, la difficulté technique était considérable, considérable. On n'a pas pu la résoudre après la Première Guerre mondiale. Quand on veut mettre en place des liaisons téléphoniques entre l'Europe et les États-Unis, on ne peut pas le faire par câble sous-marin parce que les premiers tubes électroniques que l'on veut immerger dans des répéteurs qui seraient sous l'eau, hein, donc il en faut à peu près tous les 50-60 km. Donc c'est un énorme investissement, c'est très fragile. Et donc là, on va utiliser les ondes radio. Le premier système de téléphonie à très longue distance va utiliser les ondes courtes à partir des années 1925-26, etc. Et là, on va pouvoir téléphoner, par exemple, entre Paris et New York. Mais ça n'utilise pas des câbles sous-marins. Le premier câble sous-marin, comme l'a souligné Susan Devine, s'étend au milieu des années 50, avec des amplificateurs qui vont être immergés et qui vont permettre d'amplifier la voix de proche en proche. Donc c'était vraiment la différence de qualité de la transmission entre de la voix et puis un signal, quelques lettres à transmettre. Hein, mais un télégramme, c'est quelques lettres à transmettre, donc c'était beaucoup plus léger. Et Pascal Griset, si on peut peut-être faire un petit rappel pour les auditrices et les auditeurs qui sont pas forcément familiers de ces ondes radio, comment ça marche et comment on arrive à utiliser ce canal-là pour transmettre la voix par-dessus les océans? Oui, alors la radio, on l'a d'abord appelée télégraphie sans fil, c'est la TSF, c'est Marconi, encore un Italien, on parlait de l'Italie tout à l'heure, qui invente la télégraphie sans fil en 1896, et donc on va transmettre tout d'abord des signaux qui vont transmettre des messages en morse. Et puis, principalement, même si ce n'est pas l'unique voie, mais principalement grâce à Lee de Forest et à la lampe triode, donc au premier composant électronique, on va pouvoir moduler la voix, moduler le son, hein, d'ailleurs de manière plus générale, avec les ondes radio. Au lieu d'envoyer des points et des traits, hein, on va pouvoir transmettre la voix. On va le faire tout d'abord pour, et c'est le grand paradoxe hein, qui intéresse France Culture et Radio France, en fait un anniversaire important cette année, c'est le développement de la radiodiffusion. C'est-à-dire que la première utilisation de la diffusion de la voix par les ondes radio, ce sera du broadcasting, c'est-à-dire une diffusion d'un message à une infinité d'auditeurs. Et puis lorsqu'on a fait cela, eh bien après, et c'est assez curieux d'une certaine manière, on se dit mais pourquoi ne pas utiliser la voix pour se parler de point à point lorsque poser un câble n'est pas possible, parce que quand on peut poser un câble, c'est beaucoup plus simple, ça marche très bien. Mais lorsqu'on ne peut pas, on va le faire. Et donc pour le transatlantique, on développe les premières liaisons téléphoniques extrêmement coûteuses. Ça coûtait très cher. Il fallait des émetteurs très bien réglés. On changeait les réglages en fonction de l'heure, du jour ou de la nuit. Il y avait quelques, je sais pas, 10 ou 20 lignes de téléphone qui pouvaient être ouvertes au milieu des années 20 entre l'Europe et les États-Unis. Vous voyez donc que c'était vraiment réservé pour des usages extrêmement pointus. Donc, on le fait comme ça. Susan Devine, j'ai une question d'enfant à vous poser. Pourquoi est-ce que quand on décroche, on dit « allô » et pourquoi est-ce que ce mot est parmi les plus couramment partagés dans toutes les langues du monde? Ça vient d'où ce « allô » ? Il y a effectivement plusieurs explications et l'origine aujourd'hui reste incertaine. Ce qui est couramment discuté, c'est la déformation de l'anglais « hello »,« allô ». Il y a une autre explication qui remonterait, elle, plutôt au XIe siècle, avec des bergers normands installés en Angleterre après l'invasion de Guillaume le Conquérant, qui s'appelaient ou qui rassemblaient leurs troupeaux par des halos. Et donc, ensuite, ça aurait un petit peu évolué avec ce sens-là. Ou on entend aussi une autre origine qui viendrait des marins britanniques, qui lançait des salutations, il lançait une salutation vers un autre navire, et donc là c'était un halo aussi, où on a également une expression hongroise, à l'homme, qui veut dire je vous entends, je t'entends, et ça vient d'un pionnier hongrois qui est l'inventeur hongrois du central téléphonique et qui aurait prononcé ce mot lors de l'entrée en service de la première ligne téléphonique en avril 1877. Et en déclinaison aussi, il y avait d'autres mots, donc à l'homme, je vous entends, à l'aude, tu m'entends, et à l'eau, j'écoute. Donc voilà. Mais après, il faut noter aussi que c'est pas dans toutes les langues, on n'a pas. C'est bien sûr très généralisé, mais par exemple, les Italiens vont employer plutôt pronto. Mm-hmm. dans différentes langues, on a également d'autres mots. D'autres expressions. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit cours d'étymologie complexe du mot allô. Restez avec nous, on va poursuivre juste après la pause musicale cette histoire tortueuse de l'invention du téléphone et des réseaux de télécommunications. Quand on se quitte et que tu me téléphones, j'ai de la peine pour des tas de raisons. Ça me désole que ta voix me résonne dans l'oreille et que tu sois pas là. Puis tu parles trop près de l'écouteur, je sais que tu m'aimes, mais crie pas si fort. Tu appelles quand je travaille ou je dors, c'est à croire que tu choisis l'heure. Téléphone si t'en as envie, mais je t'en prie, pas à moi quand tu bafouilles. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais tu sais, ça suffit, tu penses à moi. Quand ça sonne, j'ai un coup au cœur. Ça m'agace, je crois que c'est encore toi. 7 coups de téléphone pour une seule personne, en une heure, ça fait beaucoup trop. La complainte du téléphone de Juliette Gréco à 16h35 dans Eureka sur France Culture. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de l'invention du téléphone et du développement de cette invention qui a révolutionné les télécommunications. Alors Pascal Griset, à partir de quand le téléphone est un incontournable des communications mondiales et internationales? À partir de quand on peut dire que le téléphone est un indépassable? Alors là aussi, il y a une forme de différenciation à faire selon les territoires. On peut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, le téléphone se développe de manière quasi généralisée, c'est-à-dire ne pas avoir le téléphone devient quelque chose d'anormal. En Europe, c'est plus tardif. Pour prendre l'exemple de la France, qui n'est pas le pays le plus avancé en ce domaine, on estime encore dans les années 1960, quand je dis « on », il y a une sorte de consensus mou entre une administration qui ne veut pas investir. Hein, les PTT sont tenus essentiellement par des postiers qui ont d'autres priorités. Une société qui sort aussi des guerres coloniales, qui entre réellement dans ce qu'on appellera d'une manière un peu globale et simplificatrice les Trente Glorieuses. Finalement, le téléphone, c'est un peu un luxe. On dit dans les années 60 que la moitié des Français attendent le téléphone et l'autre moitié attend la tonalité. Donc c'est quelque chose de... Alors les historiens divergent sur ce point. Est-ce qu'on peut considérer que c'était admis par la société ou que c'était considéré comme anormal, disons en tout cas, il y a très peu de téléphones. À partir des années 1970, les choses vont changer. Elles vont changer en France de manière tout à fait exceptionnelle, pour la simple raison que, enfin pas si simple, que la France étant très en retard, même si je n'aime pas ce terme de retard, mais moins équipée que l'Allemagne ou l'Angleterre, ou je l'ai dit déjà la Suède, va se décider autour d'un corps d'ingénieurs, le corps des télécommunications, et d'un homme, Pierre Marzin, l'idée qu'il faut qu'il y ait un rattrapage de la France dans ce domaine. Et que ce rattrapage se fera non seulement en équipant les Français, mais en les équipant avec des matériels qui ne seraient pas importés des États-Unis ou de Suède ou d'Allemagne. L'industrie française du téléphone était à l'époque très peu développée, pas non développée, mais peu développée, mais en créant une industrie française. Donc créer un cercle vertueux, on va créer une industrie qui va équiper les Français et qui donc va créer de l'activité. Hein, c'est une idée qui paraît simple, mais qu'on n'a pas appliquée, par exemple, aujourd'hui dans le domaine du véhicule électrique. En tout cas, on le fait un petit peu tardivement. Donc, c'est Pierre Marzin, avec le soutien politique très fort de Georges Pompidou, va lancer un plan de recherche. D'abord, ce sera une recherche de très haut niveau. À la base, il y a une recherche qui est destinée à sauter une génération, c'est-à-dire au lieu de passer à la génération suivante de réseaux téléphoniques, c'est-à-dire passer à un réseau semi-numérique, hein, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, et greffer de l'électronique sur les anciens réseaux. Pierre Marzin, avec ses ingénieurs, dont Louis-Joseph Libois, je cite son nom, il est peu connu, mais ce sont des gens importants que l'histoire oublie, vont dire, nous, en France, on est en retard, donc on va passer à l'étape suivante et on va faire un réseau 100% électronique. Et donc, est lancé au cours des années 60 tout un programme de recherche qui va donner lieu à la mise en place, pour aller vite, au cours des années 70, d'un réseau qui sera le plus numérisé du monde. C'est-à-dire que dans les années 70-80, la France, qui était le mauvais élève du téléphone, va devenir le très bon élève, le premier de la classe, avec une entreprise, Alcatel, qui sera le numéro un mondial des télécommunications au cours des années 1980, fin des années 80. Et les Français vont non seulement avoir le téléphone, mais ils vont avoir le téléphone le plus moderne du monde. C'est-à-dire que on voit apparaître les téléphones à touche, qui étaient une sorte de révolution dans cette époque. Qu'est-ce qui fait du téléphone à touche une révolution? Le téléphone à touche est une révolution visuelle, parce que ça fait très moderne. Pour l'usager, ça fait un peu science-fiction. Enfin, ça paraît un peu ridicule de dire ça aujourd'hui. Mais avoir un téléphone à touche à la fin des années 70, début des années 80 plutôt, c'est très moderne. Ça fait un petit peu film. Et puis, il va se greffer là-dessus, quelque chose qu'on oublie et puis qu'on met... parfois, on tourne un peu en dérision. C'est le Minitel. Le Minitel qui va apporter aux Français un service unique au monde qui préfigure ce que sera ensuite... le web et l'internet. Donc c'est très intéressant de voir comment la France a pu basculer ainsi d'une situation de dépendance à l'égard de l'industrie étrangère, de sous-équipement de son pays, à une situation en une 20-25 ans, c'est un effort d'une génération, devenir un leader qui va être notamment fournisseur des réseaux en Allemagne, en Angleterre. Alcatel va se développer pour devenir un groupe mondial. Donc c'est vraiment un basculement. Susan Devigne, sur cette évolution et cette implantation tardive, relativement tardive, dans les années 1970 du téléphone en France. Oui, alors effectivement, Pascal Griset en parlait, c'est vrai que la France avait un énorme retard et devient après un des premiers pays européens à avoir un réseau téléphonique très performant. Et moi, ça me fait penser en fait un petit peu après, quand on est allé encore plus loin et puis on s'est dit, mais que va être le téléphone de l'avenir? Et on a profité de ce développement du réseau téléphonique pour imaginer d'avoir non plus seulement que la voix, mais la visio. Eh bien, écoutez, alors, ça tombe très bien que vous en parliez. Je vous propose l'écoute, justement, d'une archive de ce fameux visiophone. On est au milieu des années 80. La première télévision par fibre optique acheminée jusqu'à votre récepteur par un câble fonctionne depuis ce matin à Biarritz, ville test, pour expérimenter toutes les techniques de communication de l'avenir. Exemple, ce visiophone, téléphone à images, utilisé ce matin entre le bureau de M. François Mitterrand à l'Elysée et M. Mexando, le ministre des PTT, qui se trouvait à Biarritz. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Je vous remercie de nous permettre de vous présenter ce premier système mondial de vidéocommunication par fibre optique, ici donc à Biarritz, ce 21 mai. Eh bien, je vous remercie Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que les Français demain pourront obtenir à l'aide de cet équipement? Écoutez, à l'aide de cet équipement que je présente ici pourra passer à la fois le téléphone sur ses cheveux de lumière, mais en plus le service télématique du Minitel, mais ensuite 12 ou 15 chaînes. Ensuite le visiophone, c'est-à-dire ce téléphone avec écran, par lequel aujourd'hui je communique avec vous. Voilà cette invention du visiophone qui n'a pas forcément fait florès. Susan Devigne, excusez-moi, je vous ai interrompu avec cette archive, mais puisque vous en parliez, je pensais intéressant d'entendre tous les espoirs que ça suscitait à l'époque et puis ce que c'est devenu. Oui, effectivement, et c'est un vrai plaisir d'entendre cette archive, parce qu'il faut, alors on n'a pas l'image, mais pour décrire un petit peu ce que représente cette communication, en fait, on a François Mitterrand qui est filmé en train de communiquer par visiophone, donc un téléphone avec son combiné et puis un écran. Ça ressemble un peu entre un petit peu comme un écran de, je peux dire comme un Minitel et un combiné téléphonique, mais voilà, c'est ce qu'on appelle le visiophone, et il communique avec le ministère des PTT de l'époque, donc lui, Mexando, qui lui est à Biarritz. Mmh. Et donc cela s'est fait dans le cadre du développement d'une expérimentation, l'expérimentation Biarritz, donc pour faire évoluer le téléphone et proposer l'image en plus de la voix. Bon, en fait, on se rend compte que cette première télécommunication officielle par visiophone, ça ne fonctionne pas comme ça l'est sur le devant de la scène. Et en fait, dans les coulisses, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. En fait, cette expérimentation, elle va pas être déployée à grande échelle à cette époque-là. On a un problème de débit, et puis la fibre optique va être installée de manière plus majoritaire bien après. Donc, ça a été sans doute essentiel pour améliorer cette technologie de pointe, mais ça n'a pas permis à cette époque-là de faire pencher la balance vers le développement de ce visiophone, alors qu'aujourd'hui, on utilise, surtout avec le contexte actuel, on utilise beaucoup la visiophonie, mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Justement, Suzon Devigne, dans cette archive, il y a cette expression que vous venez d'employer de fibre optique qui apparaît. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi cette fibre optique-là a constitué, elle aussi, une sorte de mini-révolution dans l'évolution des télécommunications téléphoniques ? Oui, la fibre optique, en fait, c'est pour expliquer simplement, c'est comme un cheveu de verre très très fin. Qui permet, donc avec de la silice très pure, avec du verre très pur à l'intérieur, qu'on appelle donc de la silice, et on fait passer de la lumière à l'intérieur grâce à de la lumière laser, et on va avoir des impulsions lumineuses qui permettent de faire clignoter comme des clignotements de lumière, si vraiment je schématise, mmh. Et ces clignotements vont permettre de transmettre des informations en binaire aujourd'hui. Donc l'information binaire, c'est des 0 et des 1, c'est le langage compris par les ordinateurs. Et donc ces 0 et ces 1, en fait, quand on va avoir une impulsion lumineuse, la lumière correspond à 1, et quand on n'a pas de lumière, ça correspond à du 0. Et voilà comment on peut envoyer toutes sortes de données, des données numériques, avec ce langage binaire composé de suites de 0 et de 1, que ce soit de l'image, du son, la voix, etc. Toutes nos informations, mail, texte, texte, vidéo, etc. À partir des années 80, donc, la fibre optique se met en place. Et Pascal Griset, je crois qu'il y a une autre révolution qui se met en place dans les années 80, c'est celle de la téléphonie mobile. Alors avant d'y venir, peut-être qu'on pourrait rappeler les grands idéaux, les grands principes qu'il y a derrière la téléphonie mobile et pourquoi est-ce qu'on souhaite absolument pouvoir discuter sans être relié nécessairement au poste de téléphone. Alors oui, bon, la mobilité et communication, c'est dès les origines de la radio, c'est le marché. Hein. Oui. Marconi crée ses premiers postes de télégraphie sans fil pour les bateaux, pour pouvoir lancer un SOS, etc. Donc les ondes sont là pour ça. Le téléphone mobile va connaît des expériences sur des systèmes un peu anciens dès l'entre-deux-guerres. C'est militaire, ce sont des entreprises qui vont utiliser des systèmes radio. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, principalement aux États-Unis, mais également au Japon, on développe des systèmes de téléphonie mobile, cette fois-ci pour les particuliers, avec donc un réseau tout à fait standard pour l'abonné, mais qui ne peut concerner que quelques centaines d'abonnés. Ce qui va changer les choses en lien avec le développement de la fibre optique, hein, qui est une véritable révolution, hein, c'est un tournant clé, et de la numérisation. La numérisation commence avant la fibre optique, mais va se développer pleinement grâce à la fibre optique, qui donne la capacité d'acheminement de ces informations. Et bien ce qui seront d'abord les premiers tests, hein. Il va y avoir des systèmes réservés pour les voitures, pour des téléphones mobiles assez lourds, hein. Ça ressemblait à des gros talkie-walkie. Et puis à partir des années 90 vont apparaître avec la norme GSM, qui sera une norme européenne. Les Européens ont été en mesure de mettre en place une norme pour l'ensemble de l'Europe. Les téléphones mobiles, tels que nous les connaissons, en tout cas pour les fonctions les plus simples, hein, puisque les premiers téléphones mobiles permettent, bêtement, on va dire, de téléphoner, et puis d'utiliser quelque chose qui était prévu uniquement pour les techniciens, c'est le SMS. Hein. Le SMS, c'est un petit fil de communication qui a été gardé sur les réseaux de téléphonie mobile dès l'origine pour transmettre des ordres de service, des choses comme ça. Et puis, quelqu'un va avoir l'idée, ben, finalement, on peut l'ouvrir aux usagers. Et le SMS, je ne vous l'expliquerai pas, va devenir un élément clé de la téléphonie mobile. Donc, finalement, le mobile, c'est la première expression de cette numérisation pour tous, très facilement, hein, avec même avant, enfin, en parallèle avec l'ordinateur personnel, et puis va apparaître avec l'iPhone, ce qu'on appellera le smartphone, qui est l'objet de nous dirons de la convergence, c'est-à-dire comme l'expliquait Suzon Desvignes, le codage numérique, hein, le binaire, va permettre de coder toute forme d'information, quelle qu'elle soit, des images, du son, des données, alors qu'auparavant il fallait un codage pour les images, un autre système de codage pour le son, et ainsi de suite. Là, on va pouvoir tout coder de la même manière. Et c'est le smartphone qui, avec iPhone, hein, essentiellement d'Apple, va permettre sur le même terminal d'avoir un ordinateur, d'avoir un appareil photo. Enfin, je ne vais pas vous décrire ce qu'est un smartphone. C'est ce qu'on appelle la convergence, hein, convergence numérique entre les télécoms, l'informatique, les mass-médias et la mobilité, avec la petite touche supplémentaire, si je puis dire, qui sera le GPS. Le GPS qui est un système militaire développé par les États-Unis à la fin du XXe siècle et qui va connaître un développement, là aussi, extrêmement rapide et être absorbé par ce système de téléphonie mobile et permettre toutes les applications que nous connaissons aujourd'hui. Donc le smartphone, c'est une sorte de réceptacle de toutes ces révolutions numériques en un seul objet et qui nous permet de communiquer, de prendre des photos. Enfin bref, je ne vais pas décrire ce qu'est un smartphone. Dans ces 40 ans qui séparent le premier téléphone qui a été utilisé en 1973 aux États-Unis, il y a quand même eu pas mal d'hésitations. Suzon Desvignes, il y a eu des objets, des téléphones mobiles qui ont là aussi pas forcément eu un succès. Je pense par exemple au Bebop à la française. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quel était cet objet qui maintenant est devenu un objet de musée, mais qui était là aussi, qui avait la même idée quoi de mobilité? Oui, tout à fait. Le Bebop, c'est on va dire que c'est un téléphone qui est malgré tout resté assez expérimental quand même, puisqu'il était utilisé à Paris, dans les grandes villes. Il y avait des villes pilotes comme Paris, Lille, Strasbourg. Et en fait, ça s'est peu développé. Alors, c'était, on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment un premier téléphone mobile? Oui, bien sûr, parce que il avait l'avantage de tenir dans la poche. Après, ses premiers téléphones mobiles, on voyait quand même l'antenne qui dépassait. Et donc, celui-ci, il a une antenne qui paraît assez fragile, toute fine en plastique. Mais l'inconvénient qu'on avait avec ce type de téléphone, c'est que là, on avait quand même des contraintes de zone d'appel, puisqu'on pouvait appeler une personne grâce au réseau Bebop, mais uniquement en repérant des bornes Bebop qui étaient signalées par des logos de France Télécom avec des petites affichettes ou des petits autocollants bleu, blanc et vert. Et si on s'éloignait trop de cette zone d'appel, eh bien, on perdait la communication. Et pareil aussi, il fallait opter pour l'option réponse si on voulait vraiment pouvoir l'utiliser en réception et en émission correctement. Donc, on peut dire que c'était quand même plutôt un flop, mais encore une fois, toutes ces évolutions étaient importantes pour arriver ensuite à ce qu'on a pu connaître par la suite. Il y avait plusieurs contraintes avec les premiers téléphones mobiles. Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que tout n'était pas illimité non plus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passait? Suzon Desvignes, on fait un petit peu de l'archéologie d'un passé très proche, mais comment se passaient voilà ces premiers échanges par texte ou par appel avec les tout premiers GSM? Oui, alors les enfants, ça peut peut-être les faire sourire un petit peu, mais les grands-enfants qui ne sont pas si vieux que ça, puisque même moi, j'ai eu l'occasion d'envoyer des SMS très, très... en essayant de simplifier au maximum. Donc, il y avait un langage SMS aussi pour avoir le moins de lettres possible envoyées dans le SMS pour dire le plus de choses possible avec moins de caractères, parce qu'en fait c'était assez cher et pour l'époque, et les communications étaient comptées au caractère. Donc voilà, on avait il y avait des forfaits avec les caractères qui étaient comptés. Donc c'était important de trouver des petites astuces pour synthétiser les messages le plus possible avec un langage qui était parfois plus compliqué à comprendre pour les personnes plus âgées. Et aujourd'hui, avec l'écriture intuitive, tout a complètement changé, puisque le caractère lui-même n'est plus compté en tant que tel. On peut écrire différents messages avec la longueur, avec une plus grande longueur, et on a juste à taper les premières lettres, et puis ensuite le mot arrive comme ça, on met les mots en entier. Aujourd'hui, on n'a plus ce souci-là, effectivement. Pascal Griset, on parle aujourd'hui, et c'est très médiatisé, de la 5G. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être refaire un petit retour dans le passé et comprendre quelles ont été les grandes étapes qui ont mené à la 5G et quelles étaient les spécificités de chacune de ces générations qui ont précédé la 5G ? Oui, alors tout d'abord, notons que l'une des contraintes, c'est le débit. Susan David l'a souligné tout à l'heure, le terme de débit. Les premiers usagers, les entreprises qui utilisaient le télégraphe transatlantique en 19e avaient des codes pour réduire le nombre de mots, parce que ça coûtait très cher. Donc on l'a fait aussi pour les premiers SMS. Donc la 5G, c'est une évolution. Donc la 3G correspondait à une évolution du GSM. Ensuite, dans le jeu de la concurrence internationale, l'Europe, qui avait été leader dans un premier temps avec le GSM, a été un petit peu moins efficace, dirons-nous, pour mettre en place les normes suivantes. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des débits de plus en plus importants, avec pour la 5G non plus la question de l'usage, je dirais, au quotidien. On nous explique qu'on va pouvoir télécharger des films plus rapidement, etc. Bon, peut-être, mais c'est principalement l'Internet des objets, c'est-à-dire, on a peu parlé d'Internet aujourd'hui, mais il faut bien se dire que tout ce que nous utilisons sur un mobile est connecté au réseau Internet, donc cette numérisation passe par l'Internet, et donc ce sont les objets, les véhicules principalement. Donc la 5G, ça va être quelque chose qui permettra, par une augmentation du débit, de donner de la sécurité pour des utilisations mobiles, pour de la connexion entre un nombre extrêmement important d'objets, pour du contrôle, etc. Donc Monsieur tout le monde ne le verra pas, monsieur, madame, tout le monde ne le verra pas directement dans son confort d'usage, mais il s'en rendra compte peut-être de manière indirecte, même si certains se posent la question, est-ce vraiment utile? Est-ce que, bon, ça, ce sont des questions qu'on s'est souvent posées sur l'évolution des systèmes de télécommunication. Donc, c'est cela, génération, avec à chaque fois, et ça, c'est un enjeu qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des industriels, il y a des États, maintenant, la Chine est extrêmement active. Dans les années 80-90, on craignait l'impérialisme japonais. Les États-Unis, l'Europe s'inquiétaient du fait que les entreprises japonaises contrôlaient l'évolution du numérique, l'évolution de l'électronique, etc. Maintenant, c'est la Chine. Il y a derrière ces innovations, derrière la normalisation, des enjeux géopolitiques qui sont extrêmement importants. Et on voit que dans la durée, si on met de côté la montée en puissance de la Chine à l'heure actuelle, la puissance qui s'est construite grâce aux technologies de l'information et de la communication, grâce à la numérisation, mais auparavant grâce à Graham Bell, ce sont les États-Unis. Lorsqu'on voit les GAFA à l'heure actuelle, c'est l'expression d'une puissance américaine, un moment défié dans les années 70-80 par le Japon, qui s'est étendu au cours des années 90-2000 et qui, à l'heure actuelle, se trouve confronté, mais avec des bases, bien sûr, géopolitiques très différentes avec la Chine. Et c'est passionnant, dans cette évolution de l'histoire de l'invention du téléphone, de comprendre que la voix a progressivement disparu et que le téléphone est devenu un objet monde, un objet qui concentre toutes nos communications et que finalement, l'objet même du téléphone n'est plus forcément de téléphoner. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Griset, Susan Devigne, d'être venus nous raconter cette passionnante histoire de l'invention du téléphone. Et comme tous les jours, on se quitte en musique avec aujourd'hui, évidemment, My God Has a Telephone par Aaron Fraser. Thank you. à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Somaya Dabesh, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain dans Eureka, nous partirons à la découverte des microbes, de Pasteur aux microbiotes. Comment a-t-on compris leur rôle dans les maladies mais aussi dans l'évolution du vivant? Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Culture. L'esprit d'ouverture.